nos mots, elles sont médocs. Elles sont Charoline, elles sont méthode. Dans le complot, elles sont CNN. Elles sont MOBV, elles sont CNN. J'arrive haut et lourd comme 12 avions. La choca qui furtive comme piège sous pavillon. Je veux la I8 avec les portes qui sont papillons. 667 et Real Madrid et vous Albion. FLRG, F les RG. Chaque jour F Tintin au Congo et FRG. Négro, j'arrive africain comme Ben Tegué. Chain Z, je veux peser comme 16 BK 26. FDTS, hospital, hiver, j'écris 16 DT. Prof chaîne, enseigne SVT. Tireur d'élite, appelle-moi Bob Lee. Chain Z, Onyx, maîtrise la boxe de l'Omnine. Mon sprite est rosé sans le sirop. Je peux avancer sans le sirop. J'arrive italien comme sans le sirop. Solala, ça va pop comme Easy. Smilanoderme comme Easy. Je veux pas finir comme Easy. Yeah. Fuck c'est rap, fuck c'est poussi négro. Fuck le cancer, est au Boussi négro. Nique un clone, est au Gucci négro. Frotte la bavette, est au Pucci négro. Découpe comme à cubé, les fumes comme tabac à tubé. Chaque jour, est au les UV. À Dakar, je veux gros SUV. Je pilote sans stress par le Choi Liné. Fuck Michael Scofield, est au Boy Giné. Est au GG, est au ROI. Est au Osiris, Jack négro, je finis ROI. Est au Slim Chavez, est au NOI. J'ai la vision négro, est au MOI. Fuck le gangsta rap. Est-ce que Vince d'Apple? J'ai la dalle, négro, je le vive d'Apple. Argent noir chaque jour, F la BNP. Négro, t'as rien spécial comme la TNT. Ils vendent leur âme pour un petit Vevo. J'arrive japonais comme une Mitsubishi Evo. Négro, S au 21, S au pur lot dans le milieu de transit. Comme numéro 21, mon sprite est rosé sans le sirop. Je peux avancer sans le sirop. J'arrive italien comme sans le sirop. S au lala, ça va pas comme Easy. Smilanoderme comme Easy, je veux pas finir comme Easy. Yeah. Fuck c'est rare, fuck c'est poussi négro. Fuck le cancer est sous Boussi négro. Nique un clone est sous Gucci négro. Frotte la bavette est sous Pucci négro. MMS, 7, Betax, CNC. Je suis dans le sang, je suis dans le sang.